وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Bon, ça c'est des feux que j'ai présentés sous forme de questions de réponses pour que vous ayez une idée de ce qui est votre aqida, la aqida que vous devez vous accrocher à elle parce que c'est la base de toute chose. Et c'est le point commun entre tous les prophètes. Tous les prophètes étaient envoyés pour deux choses fondamentales. C'est tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa rububiyya, c'est-à-dire dans la seigneurie, royauté, création et gérance, c'est-à-dire que c'est lui qui gère, c'est lui qui est le roi de tout, c'est lui qui a créé tout. Et tawhid uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité dans l'adoration, c'est-à-dire celui qui mérite qu'on l'adore, celui qui mérite qu'on l'aime plus que d'autres, celui qu'on craint plus que d'autres, celui qui est digne qu'on applique sa législation. Donc ça c'est le point commun entre tous les prophètes. Point 1, l'unicité d'Allah, dans sa rububiyya, qu'il est le créateur, le roi, dans sa uluhiyya, qui est digne qu'on l'adore, dans ses noms, ses attributs. Parce qu'Allah, il a des noms. Il a dit, voilà, moi je m'appelle miséricordieux, je m'appelle Rahim. Miséricordieux, c'est juste une traduction, c'est pas un nom d'Allah, miséricordieux. C'est Rahim qui est miséricordieux, qui est un nom d'Allah. Parce que les noms propres sont intransmissibles. Donc quand vous lisez dans le Coran, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est une traduction, mais c'est pas un nom d'Allah. Donc Allah nous a informé de ses noms et tout. Donc les prophètes, ils ont ramené ça. Et tout ça, ça fait partie de l'unicité. Deuxième chose, obéissance au prophète. Nous n'avons envoyé le prophète que pour qu'il soit obéi. Et vu ces deux choses, il constitue l'islam. L'islam général. L'islam commun entre tous les prophètes, c'est ça. Et donc tu vas lire dans le Coran que Nuh, il est musulman. Il a dit, moi je suis musulman. J'ai été demandé d'être, Allah m'a demandé d'être musulman, d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, Allah lui a dit soumets-toi, je me soumets, je suis musulman. Yaqub, Yusuf, hein? قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. C'est-à-dire, prends mon âme tout en étant musulman. Et Yaqub, qu'est-ce qu'il a dit à ses enfants, le testament avant qu'il soit mort, hein? أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإلهك آبائك إبراهيم مسلمون. Il y a un autre verset qui regroupe tout. Il dit قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. سورة البقرة. Nous croyons en Allah. Dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, c'est-à-dire le Coran, descendre vers Abraham, Ibrahim alayhi salam, et Ismaïl, et Ishaq, et Yaqub, et les tribus, l'Asbat, les fils de Yaqub, et en ce qui a été donné à Moussa et à Isa, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur, nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis, et à lui nous sommes soumis. L'islam général, point commun entre tous les prophètes. ce professeur même, il est venu avec l'islam et il a ajouté d'autres choses dans la législation, dans la salat, comment elle doit être faite, le pèlerinage et tout ce qui est ahkam. Mais ça, c'est le point commun pour tous les musulmans. Et qu'est-ce qui et ça, c'est l'islam pur. L'islam, la révélation. Révélé au prophète, le Coran, la sunna authentique, la sunna qui est parole et acte, et confirmation, et compris comme ils l'ont compris les sahaba, c'est ça l'islam pur. Après, qu'est-ce qui s'est passé à cet islam? Cet islam, il a subi des modifications. C'est pas lui qui a subi, mais les gens, ils ont fait différentes interprétations. Il y avait les sectes qui sont sortis. Donc ils ont traduit le texte. Oui. Mais ils ont, la signification du Coran et la Sunna, c'est celle qui a été modifiée. Parce qu'Allah, il a préservé le Coran, Allah, il a préservé la Sunna, Allah, il a préservé la langue arabe. C'est les bases, ça. Hein? Il a préservé lui, il a dit, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous avons révélé le dhikr, le Coran, et c'est nous qui vont le protéger. C'est nous qui vont le préserver. Hein? Contrairement aux autres communautés, hein? Les chrétiens et tout. Parce qu'ils ont falsifié. Ils ont changé, ils ont falsifié le mot. Mais après l'association, il y avait des divergences, il y avait des problèmes. Hein, des sectes qui sont sortis. Quand ils ont commencé à traduire les livres des Grecs, hein, surtout à l'époque de l'Abbas, à l'époque des Abbasides, ils ont traduit ces livres et ils ont juxtaposé ces théories aristotéliciennes, théories de Platon et tout ça sur le Coran. Ils l'ont juxtaposé. Ils ont soumis les noms, ils ont trouvé Allah sous cette théorie-là et ils sont égarés, ils ont égaré des gens. Donc, ils ont divergé. Ça, c'est quoi? C'est le Batel, c'est Sunnat al-Batel, Allah yataparraq. Quand le mensonge, il est toujours suivi à ce qu'il soit dispersé, à ce qu'il soit. Seule la vérité, elle est tenue, elle est solide. Mais le mensonge, il prend plusieurs formes. La lumière, il y a une seule lumière, mais beaucoup d'obscurité. Donc, cet islam, il a subi des modifications. Il a subi, il y avait des sectes. Et le prophète, il a parlé de ces sectes. Il a dit, les juifs, ils se sont séparés en 71 sectes. Les chrétiens, Tarakatin Nasara, en 72 sectes. Les chrétiens sont scindés en 72 sectes. Et cette communauté va se disperser. En 73, va se scinder en 73 sectes. Les Tosvein. Une seule le paradis. Hein? Tous en enfer. C'est-à-dire, ils ne vont pas passer éternellement en enfer, mais ils passeront en enfer à cause de leurs péchés, à cause de certaines déviations. Ce sont des musulmans. Et le musulman ne reste jamais en enfer. Il peut rentrer en enfer, être purifié de ses péchés, et après, à la fin de compte, l'éternité au paradis. C'est le mécréant, l'associateur qui reste éternellement en enfer. Donc, ce secte-là, ils vont passer en enfer, comme a dit le professeur Hassan, sauf le groupe sauvé. C'est pour ça qu'il y a toujours des livres comme ça de Al-Sunna. La voix du groupe sauvé et de la communauté à la lumière du livre de la Sunna. Pour nous montrer qu'il faut faire des efforts de rentrer dans ce groupe-là. De ne pas subir ce qu'ont subi les autres sectes. D'accord? Donc, l'islam, il a subi des modifications. Différentes interprétations de cet islam. Chaque secte, elle s'accroche à ses idées et tout. Et même dans le Coran, il est dit « Wa anna hadha sirati mustaqiman » J'ai vu la traduction là-dedans. Mais la traduction, c'est surat An'am, la fin de surat An'am. وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون verset 153. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc c'est un testament qu'il faut suivre cette voie. quand on discute avec les gens, tout le monde dit indépendant. D'accord, mais on va voir ça. Inch'Allah, on va. Donc, il y a une voix. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, parce que voilà, Sahabi, il a parlé de ce hadith. La sunna, il explique le Coran. Allah, il a dit, anzalna alayka, anzalna ilayka al-dhikra, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim. Dans Sourate An-Nahl, nous avons révélé le livre pour que nous avons, au professeur, nous avons révélé, descendu le livre pour que tu expliques, ce qui est dans le Coran. Et pour qu'il médite, pour que tu l'expliques. Dans la Sunna, il explique le Coran. Et les ulama, ils disent, la Sunna, le Coran, il est préservé et la Sunna, il est préservé. D'accord ? Parce que Allah il a révélé le Mubayyan, le Coran, et le Mubayyan, l'explication du Coran. Ah, il n'a pas laissé les gens patauger là-dessus et controverser là-dessus. Il est expliqué par la Sunna. Et donc, Ibn Mas'ud, Sahabi, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le prophète, il a expliqué ce verset matériellement. Il a tracé sur la terre comme ça. Il a tracé khat, il a tracé une ligne. Voilà, c'est marqué même ici. Ibn Mas'ud a dit, le prophète nous a tracé une ligne avec la main. Et a dit, voilà la voie droite de Dieu. Voilà la voie droite d'Allah. Il l'a fait longue dans une autre verse. Khatta khattan tawilan. C'est pas marqué une ligne longue, non. Khatta khattan tawilan. Une longue voie. Puis il a tracé d'autres à côté. Comme ça, d'autres fois. Il a dit, wa anna hadha sirati mustaqiman, ce qui est dans le Coran. Hein? Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Voilà. Et puis il a dit, et ça, c'est subul, wa la tattabi'u subul. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà la voie d'Allah, et voilà les autres. Donc suivez cette voie-là. Et ne suivez pas les autres voies. D'accord ? Ne suivez pas les autres sentiers. Ils vont vous égarer, ils vont vous écarter de la bonne voie. Et il a dit, ces voies-là, wa hadhihi subul wa ala kulli tariqin shaytanun yad'u ilayh. À la tête de chaque voie, il y a un shaytan, un démon, qui appelle. Voilà, venez vers moi, venez. Je vous éloigne de la bonne voie. Venez vers moi. D'accord ? Ala kulli raf. Au bout de chaque voie, il y a un shaitan qui appelle pour égarer les gens. Il les égare. Et donc, je vais continuer ce qu'a dit Ibn Mas'ud. Le prophète nous a tracé une ligne avec la main et a dit, voilà la voie droite de Dieu. Puis il a tracé d'autres lignes à sa droite et à sa gauche. Et a dit, sur chacune de ces voies, il y a un diable qui prêche pour son compte. Puis il a récité, Dieu dit, Allah a dit, c'est celui-là, mon chemin droit, suivez-le et ne suivez pas les voies alors que vous déviez de sa voie. Hein? Et ça, c'est un hadith cité par l'imam Ahmed et c'est un hadith authentique. Donc, ces voies-là, c'est les autres sectes. Mu'tazila, les Ash'ari, les Soufis, bien sûr, ces sectes-là, ils prennent des formes, hein? Ahbaj et tout, ce que vous voulez. Hein? Donc, ces sectes, à la tête de chaque secte, il y a un shaitan. D'accord. Et la voie d'Allah, elle est pleine de quoi? Nakare, les efforts. Les efforts pour reconnaître, pour apprendre, et les efforts dans l'adoration. D'accord. Et les autres voies, qu'est-ce qu'il y a dans les autres voies? C'est les passions. C'est les passions. Et c'est les ambiguïtés, le mutashabih. Plein, ces voies-là. Le mutashabih, les ambiguïtés. D'accord. Il croit qu'il est dans la bonne voie alors qu'il a mal compris. Donc ces voies-là, c'est soit plein de passion, c'est les sexes qui autorisent à leurs adeptes de boire le vin, de faire le muharram, les soufis là, qui te disent adore Allah jusqu'à ce que tu atteins un certain niveau, plus tu n'es plus responsable, tu n'as plus les responsabilités sur toi. Le haram, ça c'est pour les petits, comme vous, quoi. Nous on a atteint le degré du prophète, nous on a pu. Il y a des gens comme ça. Donc ces voies-là, ils sont pleins de passion. Ils aiment l'argent, soit ils sont corrompus, ils peuvent être corrompus, soit par les ambiguïtés, ils ont mal compris la vérité. Alors, quelle est cette voie d'Allah? La voie d'Allah, c'est... C'est un peu le... Comment dire? Le juxtaposer ou le mettre au-dessus de ce verset du Coran. Ils sont pareils. Les voies, c'est les sectes. Et puis, la voie d'Allah, Saratullah, c'est le Firq al-Najiyya. C'est le groupe sauvé. Les sahaba, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est ce... Man hiya ya Rasulullah, quel est ce groupe sauvé? Quelle qualité est-ce? Il a dit, ma ana alayhi liyawma wa ashabi. Hein? C'est ma voie à moi et les sahaba, les compagnons. On doit suivre ce qu'ils ont suivi. Surtout les trois premiers siècles. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, khayrun nas, qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Les premiers gens, et non pas les premiers siècles, comme dans les hadiths, Cheikh Albani, il a dit que le hadith, c'est comme ça. Les premiers gens, les premiers hommes, les meilleurs hommes, khayrun nas, les meilleurs hommes sont mon siècle, et le siècle qui va suivre, et le siècle qui va suivre. Après ça, les divergences. Après ça, c'est les controverses. Après ça, c'est le jidel. Après ça, c'est l'alliance avec les koufars. Donc, ces trois siècles, il faut qu'on s'accroche à ce qui a été dit pendant ces trois siècles aux grands savants qui ont été à cette époque. D'accord ? Le prophète, il l'a dit ça. Donc, on doit revenir à la sunna. On doit comprendre le Coran comme il a été compris par les sahaba, pas comme on l'a compris nous, pas comme on l'a compris, comme l'a compris Aristote ou qui que ce soit. Hein? D'accord. Donc, c'est ça le salafisme, le retour au salaf, le retour aux compagnons, le retour aux quatre écoles, le retour des grands ulama de l'époque. D'accord. C'est vrai qu'il y a des ulama, des savants qui vont venir après les trois siècles. Après les trois siècles, il y a des hommes. Qui a des savants qui ont même un niveau très élevé. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'au bout de chaque siècle, Allah il envoie un savant qui renouvelle, pas il renouvelle, c'est pas remodeler, réformer, qui réforme à cette communauté ce qui a été oublié, ce qui a été de sa religion. Inna Allah yub'athu ala ra'si kulli ummatin, mais yujaddidu li hadhihi al-umma. Donc c'est chaque Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, puis l'imam Sanani, l'imam Shawkani, jusqu'à actuellement. D'accord. C'est des gens qui donnent un nouveau souffle et qui répondent aux autres sectes et tout. Parce que les sectes, normalement, ils n'ont pas à parler même. L'époque de l'imam Malik, Ahmad al-Shafi'i, ils ne leur donnent même pas la parole. D'accord. Ils ne leur donnent même pas la parole. Pourquoi? Parce qu'ils étaient minoritaires, ils n'avaient pas la puissance. Mais après, quand ils avaient l'appui des khulafa et tout, ils avaient les émirs, les ahl sunna, les salafis, ils étaient obligés de répondre. Ils étaient obligés de répondre à ces gens-là. Donc, il faut toujours le retour à salaf. Et donc, ça, c'est... on a ramé un petit peu durant l'histoire de ce qui s'est passé et tout, et donc, retour, la conclusion, c'est qu'il faut retourner à ce qui a été révélé au prophète sallam et le comprendre comme il a été compris par les sahaba, d'accord. Et retour à la source pure, pas à une eau boueuse où il y a plein de mensonges, où il y a plein de théories des koufars, ou bien retour à la source pure, la révélation, comprise comme il a été compris par les sahaba. Et cette sunna, comme il a subi, comme la compréhension des textes, ils ont subi des modifications, la sunna, il a subi des modifications. Comment il a subi des modifications? Il y avait des textes pour protéger leur doctrine, ils mettent des hadiths da'if, mensongers dans la sunna, ils le mettent. Ils mettent des mensonges. Ils disent, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tel hadith. Mensonger. Hein? D'accord? La première chose, comme ils disent par exemple, il y a beaucoup de hadiths d'arrêt, par exemple. Comme on est revenu du petit jihad au grand jihad. Il n'a aucune base. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a même pas dit. D'accord? C'est pour pousser les gens à dormir. Ah, le petit jihad, combattre les koufars avec l'arme. ça c'est le petit jihad. Ils ont dit que ça c'est le petit jihad et que le grand jihad c'est le jihad de nefs, de travailler soi-même, de comment tu t'occupes de ta famille. Ça, ça contredit le Coran et la Sunna. Un sahabi, il lui a dit, apprends-moi quelque chose que si je l'appelle, j'aurai Tawab al-Mujahid, j'aurai le même niveau des Mujahid. Il a dit, tu peux pas. Puis il a insisté, il a dit, tu peux pas, le prophète, il a dit, tu peux pas. Il a dit, est-ce que tu peux, quand le Mujahid prend son arme, il sort, tu fais la prière et tu t'arrêtes pas, et tu fais sayal, et tu manges pas, c'est-à-dire, tu, lui, s'il sort, s'il sort, il s'agit là, s'il sort pour combattre les kuffars, est-ce que toi, tu peux t'arrêter de manger et faire la prière, c'est-à-dire s'il sort par exemple 30 jours, toi tu ne manges pas 30 jours. Et tu ne t'arrêtes pas de faire la prière 30 jours. La personne l'a dit, professeur, non, je ne peux pas. Il a dit, wallahi, si tu arrives à le faire, dans une riwaya, dans un hadith, même si tu peux, tu n'atteindras jamais le niveau du mujahid. Alors ça s'arrête là. Tu n'atteindras jamais. Et donc ça, c'est jihad ou akbar. Là où c'est marqué dans tout le Coran, fils-à-dilillah, ça ne veut dire que le combattre les coupables. Mais quand c'est marqué jahidhum bihi, là, oui, là, c'est jihad avec le Coran. Allah a dit au prophète, wa jahidhum bihi jihad al-kabira. Là, tu combats avec la preuve, avec le Coran. Mais quand c'est la phrase jihad, fils-à-dilillah, ça ne veut dire que le combat. Ça existe jihad al-nafs. Ça existe. Ça existe jihad par la preuve. Ça existe jihad pour faire la prière, se lever le dernier tiers, pour faire qiyam al-layl. Ça existe. Mais ça, c'est pas le jihad qui est évoqué dans le Coran. D'accord. Les exégètes sont d'accord là-dessus. Vous lisez Ibn Kathir, lisez Tabari, lisez Al-Qurtubi, vous allez trouver que. D'accord, même Sadaqa, quand c'est marqué Fisabilillah, il a dit Fisabilillah, c'est pour les Mujahides. Innama Sadaqatu al-Fuqara'i wal-Masakin wal-Amilina alayha wal-Mu'allafati qawlubu wal-Mufarriqabi wal-Gharibin wa Fisabilillah. Tafsir, les Fuqara'a, Imam Ahmad et tout, pour les Mujahides. Donc, il est. Attends, parce que si tu m'arrêtes. Donc. La sunnah, il a subi. Les gens, ils ont rentré des hadiths d'Aïf là-dedans. Mais Allah, il a sorti des soldats qui combattent pour lui. Qui combattent l'ennemi, les juifs et les chrétiens, et qui combattent au sein de la communauté musulmane, les sectes qui rentrent ces hadiths d'Aïf. D'accord? Parce que même les sectes, ils sont poussés par les juifs et les chrétiens. Hein? C'est Abdullah ibn Saga, la première graine qui a donné le chiisme. Hein? D'accord? Et Allah, il a envoyé des imams qui purifient cette sunna. Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasa'i, Imam Ahmed, Imam Malik. Qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils sont pas arrêtés. Pourquoi ce combat continuel, voyage des mois et des mois pour chercher un hadith? Parce qu'il y avait des têtes d'égarement, des voleurs d'égarement qui ajoutent des hadiths mensongers. Alors on ne fait pas confiance. Donc on doit chercher le vrai hadith. Telle personne l'a dit hadith, est-ce que tu as raison? De quoi? D'où tu l'as ramené ce hadith? Qui t'a dit ce hadith? Et donc, dans le Bukhari, tu vas voir la chaîne de transmission. عن أبي الزناد عن أبي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Toute la chaîne, elle est là-dedans. Tu me l'as dit, d'accord, je vais marquer. Cette personne, il l'a dit. Qui est cette personne? Est-ce qu'il est véridique? Est-ce qu'il est menteur? Est-ce qu'on peut douter de lui? Est-ce qu'on. Des livres sont écrits sur ça. Biographie de ces gens. Tarjama Tarjal, Jarhu wa Ta'dil. Un fichier bien précis sur ces gens-là. Pourquoi? Pour purifier la sunna. Pour avoir une sunna purifiée de tout ce qui est inauthentique. Allah, toujours il envoie. Il a envoyé l'Ibn Bukhari qui a fait ça. Imam son élève, Imam Muslim. Et après Tirmidhi, et ce qui s'en suit, le Hazal al-Asqalani, le Hafid al-Zahabi et tout. C'est des gens qui ont fait ce gros travail pour. Et ce grand effort pour nous ramener la sunna qui est pure. D'accord? Parce que la sunna, quand elle est authentique, elle atteint le niveau du Coran. Elle est révélation. Parce que si on dit que cette sunna est authentique, que le professeur il l'a dit, Le prophète, il ne dit jamais quelque chose comme dans Ayat fi surat al-Najm, وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas selon Pierre de la Passion, ce n'est qu'une révélation. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation. D'accord? Donc, ça c'est pour vraiment tenir compte des choses qui sont passées, pour vraiment avoir une idée de où est-ce qu'on doit puiser. C'est-à-dire, ou bien de l'eau pure, ou bien de l'eau boueuse. Donc, j'ai préparé ces questions-là, parce que j'ai vu certains de vos frères, ils vous ont devancé. On a fait déjà des cours et tout. Et donc, moi, j'ai préparé ces questions. Il y en a des questions qui sont simples. J'ai essayé de simplifier, mais à la fin, je ne sais pas. Je me suis précipité à un peu à complexer des choses. Je n'ai pas pu le simplifier. Donc, je vais commencer au début. Allah, sous forme de questions et de réponses. Allah nous a-t-il créé sur cette terre pour jouer et s'amuser? Réponse, non. Allah a dit, pensez-vous que nous vous ayons créé en pure gratuité et que de vous-même, il ne vous fût pas fait retour? Quand on a créé les cieux et la terre, on ne jouait pas. Pourquoi nous a-t-il créé Allah? Alors, pour l'adorer, Allah a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Que signifie l'adoration? Réponse, c'est un nom qui désigne tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et acte, que ce soit intérieur ou extérieur, telle la prière, le pèlerinage, le jihad. Ça, c'est une définition de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Deuxième définition, c'est aussi l'humilité totale par l'accomplissement de ses ordres et par l'éloignement de ses interdits, par amour et par vénération. Donc c'est un nom qui désigne tout ce qu'aime Allah. Tout ce qu'aime Allah. Allah aime qu'on le craigne. La crainte est une adoration. Allah aime qu'on se prosterne devant lui. La prosternation, c'est une adoration. Allah aime qu'on donne le monde pour lui. Le fait de donner, c'est une adoration. Allah aime qu'on fait jihad pour lui. Le fait de faire jihad, c'est une adoration. Donc que ce soit acte intérieur, que ce soit acte extérieur, quand ce que tu fais, quand ces actes-là ils sont adressés à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. Et donc l'adoration, elle n'est pas réduite. Elle n'est pas réduite à ce qu'on rentre dans la mosquée, qu'on dit cette verse ihram et on fait salat. L'adoration, elle n'est jamais réduite dans la salat. D'accord? Comment? Sinon, ça va contredire le verset. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc tout acte que tu fais, chaque pas que tu fais, s'il est pour Allah, c'est une adoration. D'accord? J'ai dit acte intérieur. C'est un mot un peu étrange pour vous. Acte intérieur, ça veut dire amour, vénération, crainte, peur. Quand ton cœur il bouge, il vibre. Quand tu évoques Allah et que ton cœur il bouge, ça veut dire une adoration. D'accord? Que signifie acte intérieur? Voilà. Les actes intérieurs sont les actes du cœur. On distingue l'amour qui est le premier pilier de l'adoration. Les chrétiens, ils accusent les musulmans. Le fait que l'amour n'a pas d'importance dans leur adoration et tout. Ils disent, oh, nous les chrétiens, Dieu est amour. Ouais. Déjà nous, le mot il est. En arabe pur, ça veut dire l'aimer, l'adorer. Aliha ahabba. Allez, toucher, c'est-à-dire, je me suis habitué à lui. Wallouala, c'est le sommet de l'amour. D'accord? Donc, le premier pilier, c'est l'amour. Et qu'est-ce qui sort de ce pilier? C'est l'espoir. D'accord? Quand il aime, tu espères à ce qu'il te récompense, à ce qu'il t'agrée, à ce que... D'accord? L'espoir, la confiance. Donc, tout ça, ça fait partie de l'amour. Le deuxième pilier, c'est la vénération. Tardim. Et dans tardim, il y a quoi? Il y a la crainte. Il y a l'appréhension, il y a la peur. Donc tu l'aimes, tu t'approches de lui, ta confiance en lui, tu te rapproches avec la salat, tu te rapproches avec le hajj, tu fais djihad pour lui. apprécie donc ton corps pour lui, parce que vraiment c'est le sommet de la mort. C'est pour ça que les shuhada, c'est les, ceux qui ont la couronne, la taj al-waqar, les premiers, ils ont un niveau très élevé, les shuhada, parce qu'ils ont donné leur corps, hein. D'accord. Et la vénération, c'est-à-dire, au niveau de la vénération, quand on vénère, il y a une certaine crainte. Hein, il y a le rahba, il y a le ta'zim, il y a le khawf, il y a le khashya. Donc, quand tu le vénères, t'as peur de lui, t'as un péché devant toi, tu ne peux pas le faire. Pourquoi ? C'est pas parce que le président tel, ou la loi telle, ou la législation telle est empêchée. Parce que tu as peur d'Allah. D'accord ? Donc ces actes-là, quand ils sont adressés à Allah, ce sont des adorations. Y a-t-il des preuves dans le Coran que ces actes, les actes du corps font partie de l'adoration ? Bien sûr, l'évidence prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran concernant l'amour est la suivante. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il l'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants. Ya ayyuha alladhina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dhul fadlil 'azim. Donc, Allah a dit, si vous détournez, Allah il va ramener d'autres gens qui vont l'aimer et lui qui va les aimer. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont pour caractère ? Il aime pour Allah et déteste pour Allah. Adillatin ala al-mu'minin. Vraiment, ils sont vraiment cléments vers les mu'minin, les croyants. Ils pardonnent même s'ils les touchent et leur font du mal, ils les pardonnent. A'izzatin ala al-kafir. C'est-à-dire qu'ils sont puissants et durs envers les copains. D'accord ? C'est ça le signe de l'amour. Je vais en parler un peu. Ça, il y a beaucoup de versets qui confirment que l'amour, c'est une adoration. Hein ? C'est si vos pères, vos enfants et tout sont plus qu'Allah, que tu les aimes plus qu'Allah, alors là attend le châtiment d'Allah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kafadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Si votre argent, vos biens, vos femmes, votre enfant et tout, vous les aimez plus que vous aimez Allah, Allah il dit attendez. Attendez le jour du jugement, parce qu'Allah il ne guide pas les gens pervers, les gens qui se détournent de lui. La crainte et l'espoir sont des adorations. Allah il dit, et invoquez-le avec crainte et espoir. Car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Wad'uhu khawfan wa tama'. Inna rahmatullahi qaribun min al-mahdi. Il faut qu'il soit équilibré, la crainte et l'espoir. Parce que si tu le craignes, un degré que tu dis, ah, peut-être, même avec ses adorations, Allah ne va pas me pardonner. Ça mène vers quoi ? Vers le désespoir, vers le renom. Non, là, ils sont arrivés, là, il a le qawm al-kafirun, ou il a le kafirun, surat Yusuf. Non, un. Ou man yaqratu min rahmatillahi illa le qawm al-dallun. Le hijr. Je me rappelle pas si il a le dallun, ou il a le qawm al-dallun. Hein. Donc le désespoir, ça mène vers la mécréance, ça peut mener vers l'égarement. Donc il ne faut pas le craindre jusqu'à qui est ceux qui ont adoré Allah avec volonté des sectes, ceux qui ont adoré Allah avec crainte, avec que la crainte et non pas avec l'espoir. C'est qui? C'est le Khawarij. C'est le Khawarij, ceux qui est excommunie la personne du moment qu'il fait un péché. Du moment que quelqu'un voit le vin, il dit qu'il fait. Il le sort de la communauté. Ça, c'est une secte qui est sortie. Et même il est encore là, c'est Ibadia. Et même il y a ces petits, les petits de Khawarij, c'est les Israël Tekfir. Il y a certaines différences avec Khawarij, mais ils ont en commun beaucoup de points. Hein. Ils disent la personne qui fait un péché, un grand péché, il le sort de l'islam. Tellement ils craignent Allah qu'ils adorent Allah qu'avec la crainte. Alors ils sont tombés dans les gammes. D'accord ? Et il ne faut pas l'adorer avec espoir. Tu ne fais ni salat, tu ne t'approches pas d'Allah, tu es dans un bar, tu bois le vin et tout, tu dis à Man qala la ilaha illallah dakhal al-jannah, celui qui prononce, qui dit la ilaha illallah, il rentre au paradis. Et tu as le verre d'alcool devant toi. Tu as l'espoir, c'est sûr que tu as, mais tu n'as pas la crainte. D'accord? Et l'islam, il a Allah, elle est grande, elle est très élevée, elle est très importante, et que c'est elle qui va être ferme entre les mécréants avec l'éternité, soit dans le paradis, soit en enfer. Cette grande parole, les gens, ils ont donné leur sang pour qu'elle reste. Elle ne peut pas se réduire à une prononciation. Jamais il ne se réduit à une prononciation. Jamais il ne se réduit. La ilaha illallah, il ne s'est jamais réduit. Allah, la ilaha illallah. Et il n'a aucun acte du cœur, t'as aucun acte du monde. Allah, il dit, je parle. Les hypocrites, ils vont le dire, ils sont au-dessous des mécréants. Ils le disent, hein, ils le prononcent. Ça a une valeur dans la prononciation. Ça montre que tu es musulman. Mais s'il n'a pas d'incidence dans ton cœur, s'il n'a pas d'incidence dans tes actes, il n'a pas d'importance. Il est vain. La crainte et l'espoir. C'est en équilibre. La confiance, Allah dit, c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Donc, la confiance, l'appréhension, la crainte, l'espoir, l'amour, Allah, il parle toujours de ça. Toujours ça, il soit dirigé vers lui. Donc, c'est des actes et c'est des adorations. Bien que nous, on ne l'aperçoit pas. Peut-être qu'ils peuvent avoir ils ont un effet sur l'extérieur, par exemple la pudeur. Il peut avoir un effet sur l'extérieur. Question, tu as dit que l'amour est le premier pilier de l'adoration. Comment prouver qu'on aime Allah? Ah, moi, amour. Tout le monde, il parle de l'amour. Les juifs, ils disent, nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes les amoureux de Dieu. Alors, c'est nous qui vont les traiter. وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان يهودا ونصارى. Seuls ceux qui sont des juifs et des chrétiens qui vont rentrer au paradis. C'est nous qui aimons Allah. Tout le monde il cherche. Quel est cet amour? L'amour qu'on cherche, c'est celui qui est dans le Coran et dans la Sunna. Alors, l'amour d'Allah exige deux conditions. La première, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il a dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Condition. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Atteur Allah wa Rasul. Le verset qui vient après, c'est obéissance. Atteur Allah wa Rasul. Obéissez à Allah et le prophète, si vous détournez, Allah ne pardonnera pas aux mécréants. Donc ça c'est une condition. Montrez que j'aime Allah, je suis sa sunna. Mais Allah ne suit pas son prophète, normalement son amour il n'est pas vrai. Deuxième chose. Aimer ce que aime Allah et détester ce que déteste Allah. C'est clair. L'amour vrai, c'est ça. Allah, il a créé des gens, il a créé des créatures, mais il ne les aime pas. Allah dit, je vais les créer. Il a créé Satan, mais il ne l'aime pas. Il a créé Pharaon, il ne l'aime pas. Il a créé les mécréants, et il ne les aime pas. Et il nous a dit à nous, aimer ce que j'aime et détester ce que je déteste. C'est clair, c'est ça l'amour que veut Allah. C'est pas notre amour, aimer toutes les créations. Le kafir, tu le rentres dans l'islam, tu dis que je dois l'aimer parce que c'est une créature d'Allah. Allah, il t'a dit de ne pas l'aimer. Et toi, tu vas à son encontre et tu dis non, c'est le contraire ce que je vais faire. La preuve. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés mes ennemis et qui sont les vôtres. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés mes ennemis et qui sont les vôtres. Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Parce que En arabe, c'est plus proche. Il a dit, quand c'est mes ennemis, ils sont vos ennemis. C'est direct. Le proverbe, l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. C'est ça. Il est applicable. Dans un autre verset, « Oh les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. »« Et les gens qui aiment, ne t'attachez aux Yahouds et aux Nassara, auliés, d'autres auliés au bas. » Ils étaient alliés durant, quand ils ont cassé l'Andalus, quand il est tombé, c'est l'alliance des juifs et des chrétiens qui a fait écrouler ça. C'est les juifs et les chrétiens durant déjà... Les premiers, c'est les juifs qui ont mis déjà la mauvaise graine qui a sorti le chérisme. Dans un autre verset, il dit, « Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, puisqu'ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. » C'est clair. Donc, voilà, Walbara. Et donc, voilà, dans aimer, voilà, même dans le fikr, dans ce qu'ils pensent. Donc, il ne faut pas prendre considération. Comment traduire l'Ouala à notre époque actuelle? Ne pas croire à toutes les informations de la télé, il te dit une information, toi tu dis, je me soumets à cette parole, et tu la prends comme preuve. Quand ils disent de tes frères, des musulmans, qu'ils font ça, et qu'ils mentent sur eux, toi tu dis, non, oui, c'est vrai parce que. Telle mademoiselle ou madame ou tel monsieur le mécréant, il m'a dit ça. Et je me suis soumis à son information. C'est une sorte de voilà. C'est une sorte que tu l'as pris presque pour ami. D'accord? Donc il faut avoir le voilà, même dans la pensée, même dans ce que vous réfléchissez. Et c'est ça qui a creusé beaucoup, qui a cassé les rangs des musulmans. Les Mu'tazila, ils ont hérité, ils ont pris les livres des Grecs et des Indiens, ils les ont traduits, ils les ont appliqués sur les attributs d'Allah. Ça, c'est une sorte de voilà, les koufars. Ça, il ne faut pas faire cette alliance. Il ne faut pas avoir. Il faut prendre ce qui est important, ce qui nous sert dans notre vie, ce qui nous sert dans notre djihad. Il faut apprendre, bien sûr. Il faut qu'on apprenne comment manier les armes, comment apprendre, comment. Beaucoup de choses. Il faut les prendre, bien. Mais les prendre pour amis, ça n'existe pas. Ce signifie acte extérieur. Ce sont les actes apparents. On a parlé des actes intérieurs et on a évoqué l'amour dans ces actes intérieurs. Maintenant, que signifient les actes extérieurs? Ce sont les actes apparents comme la prière, le pèlerinage, le jihad. Allah dit, en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Seigneur de l'univers. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Les actes maintenant extérieurs, quand est-ce qu'ils sont acceptés par Allah? La salat, quand est-ce qu'elle est acceptée par Allah? Elle doit suivre deux conditions, c'est-à-dire elle doit remplir deux conditions. La première, la sincérité pure envers Allah dans l'accomplissement de l'acte. Allah, il a dit, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. L'acte sincère. Deuxième condition, l'acte accompli doit être conforme à la sunna. D'accord? Il doit être conforme à la sunna. L'acte doit être sincère et il doit être conforme à la sunna. D'accord? Par exemple, si quelqu'un veut faire le pèlerinage en dehors du mois du pèlerinage, il va faire le mois, écoutez, il fait très chaud cette année, il fait très chaud dans le Hijja, le mois arabe. Non, moi je vais attendre à Rabi al-Awwal, il fait un peu froid, je vais faire mon pèlerinage comme il faut. C'est bon ou c'est pas bon? Il a accepté son pèlerinage ou il n'est pas accepté? Pourquoi il n'est pas accepté? Parce qu'il n'a pas suivi la sunnah. D'accord? Allah il a voulu qu'il accomplisse cette adoration le mois précis, le jour précis. Le jour de Arafat, il dit je vais le faire dans un autre jour. Il n'y a pas beaucoup de monde. Le vieux montage, si tranquille, je vais adorer Allah tout seul, il y aura le khushu'. Peut-être qu'il aura le khushu'. Là, parce que Shaitan, il joue. Il travaille quand on adore Allah avec une ignorance. Il te rend compte, les soufis, toute la nuit, tout bien. Tu sais comment ils ont le chapelet là? le chapelet qui ressemble au chapelet des hindous et ça. Il l'entoure comme ça. Il y a la vie comme ça, il dit subhanallah, c'est pas même un dhikr qui n'est même pas évoqué dans le Coran ni dans la Sunna, et il envoie la vie loin. Toute la nuit, tasbih, les durud et tout ce qui s'ensuit. Toute la nuit, il tasbih. Toute la nuit. Là, Allah, qu'est-ce qu'il fait avec son acte? Il a dit suivre ma Sunna. L'acte, il se retourne contre celui qui est. Il est refusé parce qu'il n'a pas suivi. Donc sincérité et l'acte accompli doit suivre la Sunna. Sincère. Pour Allah. Je fais la salade pour Allah. Je donne le monde pour Allah. D'accord? On a parlé de ça, on a parlé de rien. C'est-à-dire que tu fais des fois. Et même Rasul Sallam, il a dit cette attention de Sarah et de Riyah, c'est-à-dire le Riyah, le désir de l'ostentation, mais les secrets. Et les sahabes ont demandé au prophète, qu'est-ce que ça veut dire Sarah et le Riyah? Ça veut dire cette ostentation, le secret. Sarah et le chef, il a dit l'association qui est secrète contre ça. Et ils ont des confessions, quelle est cette association qui est secrète, qui est. Qu'on ne peut pas déceler, rare de déceler. Il a dit rien, c'est-à-dire le fait de l'ostentation, de faire plaire aux autres. Et il a expliqué ça, c'est-à-dire que la personne il rentre dans la prière, et quand il y a des gens à côté de lui, il veut embellir sa prière parce qu'il y a des gens là autour de lui. Peut-être que c'est des débutants, et lui il rentre comme ça, c'est un salafi, il faut qu'il montre qu'il est salafi, qu'il est la Sunna, reçoit, puis il fait comme ça, et puis. Il tarde et tout, faire recours à comme il faut. Pourquoi? Parce que telle personne sont à côté de lui. Ça affaiblit l'acte. Ça l'anéantit pas carrément, parce que lui, vraiment, il le fait pour Allah, mais il l'a embelli. Et la chose avec quoi il a embelli cet acte pour faire plaire aux autres, ça diminue la valeur de l'acte. Parce que si l'acte lui-même, il est pour l'argent, pour avoir un poste dans un parti politique ou être président, faire plaire aux gens ou faire montrer aux gens que je fais la prière pour qu'ils disent de moi musulman, l'acte n'est pas accepté, carrément. La preuve. Je parlais de la preuve dans le Coran. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, nous voulons un culte exclusif. La deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une chose qui n'est pas sous notre ordre, on doit rejeter ce qu'il a fait. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Celui qui fait une chose qui n'est pas conforme avec notre sunna, on doit rejeter ce qu'il a fait. Donc, Allah ne veut pas qu'on adore avec ignorance. Question, l'ignorance doit avoir des conséquences graves. Bien sûr, l'ignorance peut mener la personne à associer avec Allah. Que signifie l'association? Qu'est-ce que ça veut dire, shirk? C'est le contraire de tawhid, de l'unicité. C'est égaler quelqu'un avec ou quelque chose avec Allah dans ce qui est propre à Allah. Des qualités qui sont propres à Allah, on ne doit pas les attribuer à une personne. D'accord? Seul Allah il est digne qu'on l'invoque. On ne doit pas invoquer un cheikh ou une tante. D'accord? Seul Allah il est digne qu'on le craigne, une crainte spéciale, secrète à l'intérieur de nous. Alors on ne doit pas adresser cette crainte à un tarot ou lui il est à des milliers de kilomètres et nous on le craint. Quelqu'un te parle de lui, tu trompes. Ça peut amener à l'association. Attention. Parce que cette crainte doit être adressée à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la crainte, la peur instinctive. Bien sûr, tu vois le lion, tu vois le feu, ça c'est normal, c'est prime nature. C'est à l'intérieur de l'être humain. Mais la crainte, cette crainte que tu dois adresser à Allah, tu l'adresses à un parent, ça c'est grave. Tu l'adresses à quelqu'un, ça c'est grave. D'accord ? Donc, une qualité à Allah, du moment que tu la donnes à une personne, tu l'as élevée, tu as élevé cette personne à Allah. Tu l'as égalée. Tu ne l'as pas égalée dans la création, elle a dit tout le monde, parce que tout le monde croit qu'Allah est le créateur. Mais tu ne l'as pas égalé, tu n'as pas dit que cette personne est créée comme Allah. Non, tu es sûr qu'il a. Mais tu as dit qu'il est digne qu'on l'invoque, tu as dit qu'il est digne qu'on l'aime plus qu'on aime Allah. Tu l'as égalé dans ce cas-là. Ou tu as dit qu'il connaît l'invisible, il connaît le rêve. Tu l'as égalé. Même dans cette qualité, une qualité, Allah il a dit, tu l'as t'as égalé cette personne avec moi. Du moment que tu as dit cette personne, il connaît l'invisible, tu l'as élevé, tu l'as égalé, et moi je suis jaloux de mes noms, je n'ai pas le pardon. D'accord ? Et c'est pour ça, Allah, il pardonne aux pécheurs, sauf à celui qui lui associe. Tu fais des péchés, tu peux t'arriver de faire des péchés, des fois même des grands péchés, de faire des grosses choses. Mais l'associer, ça tu touches à lui direct. Tu touches au Seigneur. Et quand tu touches à lui, lui il dira, là, l'enfer éternel. Innahu mayushrik billahi. Innahu mayushrik billahi faqad harram Allah alayhi al-jannah. إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله إذا أنت أديل إذا أنت أديل للparadis aux associés. Donc vous avez compris un petit peu, c'est de vénérer quelqu'un jusqu'à l'élever au niveau d'Allah, c'est une association. De dire que quelqu'un il dirige l'univers avec Allah, c'est une association. De l'invoquer, c'est une association. De l'aimer plus qu'on aime Allah, c'est-à-dire, tu peux même aimer, il y a des gens qui prennent des stars de télé pour idole, hein, ou une femme pour idole, ils peuvent faire la prière à cause d'elle, c'est elle qui bloque tout. Il n'adore pas Allah, il ne pense pas. Regarde, même pas. C'est pour elle. Voilà, Walbara. Celui qui la touche, il le tue. Celui qui l'aime, il l'aime. C'est le wala al-bara pour cette fille, pour cette personne, pour cette star de télé, pour cette star de cinéma. Donc il peut l'élever jusqu'au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les associateurs vont dire à leurs associés le jour dernier, par Allah, là quand il va les mettre en enfer, qu'est-ce qu'ils vont dire? Dans la sourate 26, verset 97-98, ils vont dire, par Allah, nous étions certes dans un égarement évident que nous vous égalions au Seigneur de l'univers. Nous vous égalions. Parce que du moment où tu prends une seule qualité d'Allah, tu la donnes, une seule qualité qui est propre à Allah, et tu la donnes à une personne, tu l'as égalée avec Allah. Et donc, quelles sont les différentes sortes d'associations? On distingue deux types d'associations. L'association dans l'ulouhiya, c'est-à-dire dans l'adoration. Quand vous parlez d'adoration, c'est tout ce qui va de nous vers Allah. D'accord ? Quand tu dis la ilaha, quand tu dis tawhid uluhiyya, adoration de l'uluhiyya, tu commences par toi, tu dis moi. D'accord ? Tu dis moi, je l'adore, je l'invoque, je me prosterne devant lui, je suis ses lois. D'accord ? Je le vénère, je, tu commences par toi. Ça veut dire adoration. D'accord ? Donc ça c'est l'ulouhiyya. Donc c'est le fait d'adorer en dehors d'Allah quelqu'un en l'invoquant ou en l'aimant avec ou plus qu'on aime Allah ou en l'obéissant dans la désobéissance d'Allah, etc. Et j'ai mis un exemple, c'est l'exemple de l'invocation des morts. Les morts prophètes, gens vertueux, les wali, c'est une sorte d'association. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation c'est l'adoration, le fait d'invoquer quelqu'un c'est l'adorer. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit tel est Allah votre Seigneur, à lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de dattes. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre, et le jour du jugement, ils vont nier votre association. D'accord ? C'est clair, hein ? ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم si vous les invoquez dans les temples et n'entendent pas ce que vous. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ. Et même s'ils entendent, ils ne vont pas exaucer vos désirs. Et le jour du jugement, ils vont désavouer. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشَرْكِكُمْ. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Seul celui qui connaît ce qui est dans le ciel et la terre, c'est lui qui t'informe de ça. Allah, il s'adresse au prophète Mohammed. Donc, invocation des morts, on croit qu'ils entendent, on a parlé de façon simple, on a parlé de ce sujet, on a même enregistré tout, et inchallah, pour ceux qui sont intéressés, on va leur donner. Donc, ceux qui invoquent les tombes méditent bien sur ces paroles. Donc, le fait d'invoquer, c'est une association. C'est grave, ça. Donc, quand quelqu'un il dit la ilaha illallah, il la prononce, la ilaha illallah, je n'adore que toi. Et puis il va, il adore une tombe. Il a cassé, il a rompu le pacte avec Allah. C'est-à-dire que la ilaha illallah, il s'est réduit à une parole, à une prononciation, qui n'a aucune valeur pour lui. Parce que il a dit le mot et il a désavoué par l'acte. D'accord? C'est comme si quelqu'un, bon, tu lui dis je t'aime et tu lui dis. C'est comme ça. Tu dis le mot et tu fais le contraire par l'acte. Ils ont dit qu'on ne doit invoquer que toi et ils ont invoqué les morts. Tu te rends compte de l'ignorance jusqu'à quel point elle peut aller. Pourtant, il y a des gens qui propagent ça et disent oui, tu dois, tu as le droit de faire ta masseur, d'abord chercher bénédiction près des tombes et faire aller vers. Ils ramènent des bidons comme ça et les frottent contre là où il y a la tombe du prophète. Le jour du jugement, ils vont voir. Ils vont plus, il a dit Sarkan, ne touchez pas à mon bassin. Al-Kawta, l'eau qu'on va boire, l'eau, c'est pas évoqué l'eau dans le hadith, Allah Amin. Une source, Al-Kawta. Plus blanc que la neige, comme il a expliqué un compagnon. D'accord. Et celui qui boit dans cette source, il n'aura jamais soif. Et donc il y aura des gens qui vont se précipiter mais les anges ils vont les tirer. Pourquoi? Parce que le prophète va dire Ashabi sont ceux qui m'ont suivi. Et les anges vont répondre, t'as pas su qu'est-ce qu'ils ont fait après toi, ils ont changé. T'as dit qu'il ne faut pas prendre ma tombe pour idole adorée, hadith authentique. Et ils ont fait le contraire. Pourquoi? Parce que ce qu'ils veulent faire, sahkan. Revenez, je ne peux plus vous voir. Là, vous faites le contraire de ce que j'ai demandé. Là. Donc, exemple de l'association dans l'adoration. J'ai juste un exemple, parce qu'il peut y avoir, il y a d'autres exemples. Suivre des lois qui sont en dehors des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça a besoin de beaucoup d'éclaircissement. Vous avez compris ce que ça veut dire Rububiya, Rabb. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Rabb. Rabb, ça veut dire roi, créateur. Rabb vient en arabe de Tarbiya. Rabb. Éducateur. Rabb, ça vient de éducation, d'élever. Tu éduques tes enfants. Ou tu as une ferme, tu élèves les poussins et tout. Donc tu essaies de ramener tout ce qui est nécessaire à ta progéniture ou à, donc tu l'élèves, tu cherches les conditions, si tu as un enfant tu l'éduques, tu cherches il faut qu'il soit couvert quand il fait froid, tu le couvres, quand il fait chaud tu lui mets des habits qui sont pas chauds et tout, donc tu cherches à lui donner les conditions. Allah Arabuna, donc il a donné toutes les conditions qui nous servent. Il nous a donné l'oxygène à certaines proportions, l'azote, une atmosphère qui nous protège, une attraction terrestre qui soit bien précise pour qu'on ne s'envole pas, pour qu'il ne soit pas grande, pour qu'on ne s'enracine pas sur la terre, pour qu'on ne se sente pas plus lourd. Donc ça fait partie de Tarbiya. Donc c'est Arab, ça regroupe trois, le la maison dit. On peut la diviser en trois. Rab, ça veut dire roi, créateur et celui qui gère. Al-Khalq, Wal-Mulk, Wal-Tadbir. C'est les trois points principaux de Rububiya. Et tout sort de ça. D'accord? Bien sûr, quand il nous adapte, quand il nous donne, quand il nous met un climat bien précis, tout, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de sa miséricorde, parce qu'il nous aide. Voilà, d'accord? C'est le résultat aussi de sa science, parce que c'est avec science qu'il a créé cet univers avec des lois bien précises que nous on est en train d'étudier dans la. On vient de découvrir dans l'an 2000, on s'approche de l'an 2000, on vient de découvrir les lois d'Allah. Qu'il a donné avant la création de l'univers. D'accord. Donc, j'ai dit Rububiyya, c'est ça. La royauté, la créance, la gérance. Il a fait ça par science. Hein? Il a créé ça par science, par sa connaissance. Et les différentes sortes d'associations dont Rububiyya, dans ça, Il y a trois. La première, c'est l'association de la connaissance. C'est vrai que on a un peu détaillé là-dessus. Il y en a qui peuvent accepter ça avec corps ouvert, mais il y en a qui sont martelés parce que c'est nouveau. C'est une révision, Charles. Oui, Charles. Il y a des cours qui sont bien, et c'est même enregistré. Donc, l'association de la connaissance, c'est croire qu'un chef ou un imam ou un voyant ou un marabout connaît l'inconnaissable. D'accord. Il y a des gens qui disent par exemple que d'autres, que des personnes, des imams, des marabouts, des chers connaissent l'inconnaissable, connaissent le raïb. Ça c'est vrai, dans notre communauté, à fond, hein, les marabouts, c'est de l'association. Parce que Allah il a dit, seul moi je connais le ghaïb. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Seul Allah connaît l'inconnaissable. Et toi tu dis non. Il y a le cheikh, il y a Madame Soleil qui connaît. Il connaît l'invisible, il connaît le futur et tout. On a détaillé ce sujet. Comment il arrive que le marabout, le devin ou le sorcier, il arrive à atteindre la vérité dans des choses. On a fait un cours spécial, et, quoi, trois séances là-dessus. Mais là, oui, non, je vais. Si je leur parle de ça, ça va être loin. Donc, l'inconnaissable est un. Ce qui fait partie de l'inconnaissable, le rêve, c'est la connaissance du futur, c'est ce qui se passe dans le monde des anges, ce qui est dans le cœur des gens. Personne ne le sait. Et donc, il y a. Le problème, c'est que. En dehors que les gens croient que tel cheikh ou tel voyant connaît l'inconnaissable, et c'est une forme d'association, il y a même des sectes qui disent ça. Les fréquences, c'est les chiites, hein, et les soufis. Les chiites, si tu veux avoir, j'ai une référence, voir Kitab al-Kafi ou al-Kalini, volume 1, page 260-261. Là, tu trembles quand tu dis ça. Là. Association directe dans l'inconnaissable. Il dit que mon cher, il connaît l'inconnaissable. Comme ça, direct contre le Coran. Akda. Et le professeur a dit que si je savais le ghaïb, je n'aurais pas de la bonne chose. Et je ne suis pas de la bashir et de nadir pour les gens qui croient. نوح حسي قل عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك tous les prophètes ils ont dit tu prends cette qualité tu la colles à ton cher ou tu la colles à Madame Soleil tu la colles ça c'est une sorte d'association et ça a tué notre communauté ça a tué ça pourquoi parce qu'ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas suivi sa voie, ils sont tombés. Et des soufis aussi, si tu lis le livre de Al-Insan al-Kamil, l'homme complet, de Abdelkarim al-Jini. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable. Même s'ils coïncident la vérité, même s'ils te disent, écoute, dans 2 ans, c'est pas Chirac qui va être au pouvoir, c'est telle personne, c'est Chevènement qui prend. Et les 2 ans et tout, après 2 ans, c'est lui, tu trouves que c'est lui, tu dis non, tu mens, même si tu as raison, tu mens. Parce que moi, je crois comme mon créateur. Allah, il a dit, personne ne connaît. Soit pur concept. coïncidence, sortez les djinns et les pacts avec les djinns et tout qui font. La deuxième chose, la deuxième forme d'association, la première forme, association dans l'aile. Deuxième chose, ça c'est, vous ne connaissez pas beaucoup, c'est l'association dans la gérance, at-tasarruf. C'est croire que des créatures dirigent et contrôlent l'univers avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je n'ai pas détaillé. J'ai dit, bon, c'était des références sur des livres, sur les, certains chiites, certains soufis, Jawahar Sundiya, Marouji, Abdel Mesraoui. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, à Allah appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Alors personne ne gère l'univers avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges, yata'alouna, ma'amara. Ils font ce qu'Allah ordonne de leur dire, leur ordonne de faire. Ils font ça, kaounan, comme on dit. Allah, il a voulu qu'ils fassent ça, ils le font. Il y a des anges qui sont prosternés dans chaque cieux. Quand la pluie tombe, avec chaque goutte d'eau, un ange. Avec chaque goutte d'eau, il y a un ange qui descend. Subhanallah. Mais nous, on ne voit pas ça. D'accord. Ça, c'est le soldat d'Allah. Et donc, le croyant, quand il croit aux anges et tout, quand il a cette conviction, quand il a cette doctrine en train de lui, même s'il est séquestré par les coupables, même s'il est subi des tortures, il croit qu'il sent qu'il est plus nombreux qu'eux. Il dit, moi, j'ai les anges avec moi. Quand tu as cette conviction, khlas, Allah, personne ne va te barrer ton chemin vers la dawa ou vers le jihad. Quand tu as cette conviction. Le jour, ils vont voir qui sont les plus nombreux. Est-ce que c'est nous ou vous? Allah, il leur dit, c'est nous qui sommes les plus nombreux. Les anges, avec les anges et tout. Donc, le croyant, il est, même si c'est une minorité, il croit que c'est, il doit croire que ce sont les plus nombreux. Parce que le jour où il aura la conviction totale à Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah, il descend ses anges. Il les a descendus, il ne les a pas descendus. Badr, il les a descendus. Uhud, il les a descendus. Donc beaucoup de batailles. Il t'astaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati mudiffin. Vous implorez Allah, vous demandez secours à Allah parce que vous étiez moins nombreux, ben j'ai fait descendre les anges. Il faut avoir cette conviction. Voilà l'importance de la doctrine, voilà l'importance de l'aqidah. Donc, l'association dans la gérance, ça c'est fréquent chez les chiites, et l'association dans la législation. Je n'ai pas détaillé là-dessus. La législation, c'est tout ce qui est halal, tout ce qui est haram. Allah, il a interdit des choses, il a autorisé des choses. Le halal, ma ahalla Allah. Ce qu'a autorisé Allah, on doit l'obéir. Ce qu'a interdit Allah, on doit l'interdire. Donc Allah, il a donné deux ordres, l'ordre universel qui dirige l'univers et des ordres qui gèrent les relations des humains entre eux. La relation de l'être humain avec la terre, la relation entre l'être humain et l'être humain, la relation entre l'être humain et l'animal. Il ne doit pas torturer l'animal, il doit, ou l'être humain avec l'être humain, les relations. Et tout ce qui est économie et tout ce qui est politique et les gérer, c'est la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ma akmal tu lakum dinakum wa atmal al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. J'ai complété tout, je n'ai rien laissé. Vos relations avec vous, vos relations entre vous, vos relations avec les koufars, quand est-ce qu'on doit faire le jihad, quand est-ce qu'on déclare la guerre, quand est-ce qu'on déclare la paix, comment on doit être quand un mécréant vit au sein des pays musulmans, comment on doit se comporter avec lui, tout ça. Et donc ne jamais dire que la politique n'a rien à voir avec l'islam, ça c'est grave de dire ça parce que Allah il a légiféré des choses et on voit le suivre. Allah il a légiféré qu'on coupe la main du voleur. Et du moment où tu doutes qu'il dit c'est de la barbarie comme ils disent, Tawar et qu'ils disent que c'est de la barbarie, pourquoi ils ne doutent pas de la législation universelle? Allah il a mis les étoiles à une certaine distance par rapport à la terre. Il a mis le soleil à une certaine distance par rapport à la terre. Pourquoi tu ne dis pas non, il faut rapprocher un peu le soleil, ou il faut l'éloigner un petit peu? Pourquoi tu ne dis pas de ces lois? C'est des lois divines, c'est la même, ils sortent du même. Allah subhanahu wa ta'ala. les lois d'attraction universelle, les lois qui gèrent l'écosystème, tout ça, ils viennent d'où? Ils viennent d'Allah. Et les lois qui disent que le voleur, on doit couper sa main. Les lois qui disent que celui qui fait, par exemple, l'adultère, qui fait pas varier, on doit le lapider ou le fouetter, et des choses comme ça. Ces lois-là, si tu doutes sur ces lois-là, alors tu dois douter des autres lois. Tu dois dire non, cette attraction terrestre ne me convient pas. Tu dois dire fais une autre loi, tu fais une équation, tu lui appliques ce terrain de là. Quelqu'un peut le faire. Est-ce que quelqu'un peut dire à Allah, voilà, il faut changer cette loi-là, il faut changer cette loi universelle. Donc s'il ne peut pas le dire, s'il ne peut pas le faire, pourquoi il proteste contre ces lois qu'il évite? Ça veut dire, tu sais quand tu dis que le fait de couper la main ou quoi que ce soit, avec les règles bien sûr, quand est-ce qu'on coupe la main, quand il y a la famille, on ne coupe pas la main et des choses comme ça, ces lois-là, quand on dit c'est de la barbarie, on touche à quoi? On touche à la connaissance d'Allah. En doute de sa gérance, et en doute d'une chose très importante, c'est quoi? La miséricorde. Subhanallah, vous avez oublié ça. Tu sais, tu connais le hadith quand la femme, il courait derrière son enfant, il le cherchait, il ne l'a pas trouvé, puis il l'a collé contre lui. Et puis le professeur Aslam, il a dit, est-ce que vous pouvez, est-ce que cette personne il peut jeter cet enfant? Et il dit non, il a dit, Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricorde de ses créatures que cette femme envers son enfant. Il est plus miséricorde. Et toi tu dis de ces lois? Ces lois sont une miséricorde. Ces lois, qui t'a fait une température extérieure qui te convient à ton corps, et une température intérieure. Toi, tu gères pas ton usine à l'intérieur. Tu sais pas comment se comportent les gènes, comment se comportent les cellules, comment le cœur il bat et tout. C'est par miséricorde qu'Allah il le fait. La température compte, ça, quand elle monte à 39, t'es mort, t'es comme ça, tu peux pas bouger, tu pleures, tu cries et tout. Ce régulateur, c'est le résultat de quoi? De la miséricorde d'Allah. Alors ces lois, c'est une miséricorde. Ces lois sont une miséricorde. Et on ne doit pas douter. Et on ne doit pas chercher. Et on ne doit pas se rabaisser devant un mécréant et dire oh, vous dites ça, vous lapidez celui qui fait. Non, c'est Allah qui le dit et nous on dit ça. Et il ne faut pas se rabaisser. Il ne faut pas donner des concessions. D'accord? Donc, je veux résumer juste ça. L'association dans la législation, c'est un gros problème. C'est un gros, gros problème. C'est de suivre des gens qui ont légiféré des lois d'autres qu'Allah. C'est-à-dire, lui, il dit par exemple, l'ivrogne, dans celui qui est ivrogne, on doit le fouetter. Voilà, tel nom. Ça, c'est dans la Sunna. Lui, il dit non. L'ivrogne est à moins de prison. Ça, c'est un changement de loi d'Allah. Si tu suis ce législateur, dans la désobéissance d'Allah, tu es associé. Tu l'as associé. Mais reste, est-ce que tu le suis par le cœur? Est-ce que tu le suis par le... Dis, au moins, ne pas le suivre par le cœur. Au moins dire que ces lois-là, la démocratie, tout ce qui s'en suit, sont en contradictoire avec l'islam. Ils sont en état moindre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah, c'est le plus miséricordieux. Et ces lois qui doivent être appliquées. Au moins le dire par le cœur. D'accord? Au moins tu dis que moi, je n'obéis pas. Je n'obéis pas à ces lois. Intérieurement, je n'obéis pas. Je suis obligé de le suivre, je suis obligé d'aller à ça, je suis obligé de... Des fois, ils poussent les gens à voter et tout. Je le fais, c'est-à-dire dire que telle personne, tel tarot, tu dois le choisir. Ou pour telle loi de store, démocratie, je ne sais pas ce qu'ils appellent ça. Des lois qui contredisent, qui sortent de... C'est déchets humains, ça. C'est les déchets du cerveau humain. Ils cherchent des lois qui gèrent les relations entre les humains. Mais Allah, il a révélé ça. Allah, subhanahu wa ta'ala, est l'unique. Et en plus, quand on suit ces lois, on aura la récompense dans l'au-delà. Donc, il ne faut pas douter de ces lois. Et il faut ne suivre que ces lois-là. Bien sûr, on est dans une réalité différente, on doit nier avec le cœur. D'accord? C'est des moments que tu peux nier avec la main, tu nies avec la main et tu peux te combattre soit avec da'wah, soit pour rentrer les gens dans l'islam. Ça fait partie que tu joues, que tu travailles pour que la loi d'Allah s'applique sur ces gens-là, pour qu'ils obéissent. D'accord? Donc on résume ça. C'est un grand sujet, hein? C'est un grand sujet et je ne veux pas détailler là-dessus. que faut-il faire pour éviter de tomber dans l'association? Que faut-il faire? D'abord, c'est quoi? Que faut-il faire? Là, la connaissance, pour apprendre, pour connaître. Est-ce que ça c'est une forme d'association? Est-ce que ça c'est une forme d'association? Bien que intérieurement, par primature, personne ne va invoquer des temps, parce que ça contredit la raison, etc. Même Allah, quand il nous a parlé, il nous a dit, écoutez, si vous avez des esclaves, رجل سلما لرجل ورجل فيه شركاء متشاكسون الله إلى vous a donné une parabole de vous-même. Il a dit une personne qui est d'accord avec une personne et une personne qui a plusieurs patrons. Qui a plusieurs patrons. Qui sont les mieux? C'est celui qui obéit à son patron unique ou à son maître ou à celui qui a plusieurs patrons. L'autre, il me dit à midi, tu vas me ramener, tu vas faire les commissions. L'autre, il me dit à midi, tu viens chez moi. En même temps, lui, il va avoir. Donc, il a plusieurs. Les maîtres ont des accords et lui, il a des accords avec soi-même. Disons. Donc, Allah, il a dit l'exemple de vous-même. Un esclave qui a un seul maître et un esclave qui a plusieurs maîtres. Quels sont les mieux? Vers un seul maître. Nous, on va vers le seul maître. Donc, quand on se dirige dans l'invocation, on ne va pas l'adorer dans la mosquée, et puis on sort et on va dans la tombe, on va faire telle soirée, on va adorer. Donc, ça, c'est plusieurs maîtres. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui contredit finalement la raison. La raison, subhanallah, une personne qui réfléchit, il ne fait pas ça. D'accord. أم الله الواحد القهار أي نعم Donc, pour éviter de tomber dans l'association, il faut comprendre d'abord la signification d'unicité. Et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son livre authentique, Sahih, il a mis un chapitre spécial intitulé « La connaissance ou la science avant la parole et l'acte ». La connaissance avant la parole et l'acte. Conformément aux paroles divines, sache donc qu'en réalité, il n'y a point de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il a commencé par la connaissance. Sache donc qu'en vérité, c'est-à-dire connaisse, apprends. Il faut apprendre. Et donc, il y a une parole d'un autre, Amir ibn al-Munir, celui qui a fait l'explication de Bukhari ibn Hajar al-Asqalani. Il a évoqué une parole d'un alim. Il a dit que la science, la connaissance, elle corrige l'intention, et l'intention à son tour, elle corrige l'acte. Donc, il a dit, l'intention et l'acte, ils sont précédés par la connaissance. D'accord? Si tu ne sais pas. Donc, l'intention, elle est brouillée. Si tu ne sais pas ce que tu veux, la personne, l'exemple le plus proche, c'est la personne qui est venue, qui a su que l'imam d'Alimi, il fait la prière, il fait le taraweh, puis il est rentré dans la niya de faire l'Isha. Et puis après, lui, il a su qu'il fait le taraweh, il est brouillé, parce qu'il n'a pas de connaissance avant, il est brouillé, est-ce que je dois faire de celui qui est mutanafé, de celui qui fait parler là derrière, celui qui fait l'appel, est-ce qu'il est valable et tout. Et donc, il est brouillé à l'intérieur de sa femme. Tu te rends compte l'importance de la connaissance, parce qu'il corrige et consolide l'intention. Et l'intention, la réalisation de l'intention, c'est l'acte qui corrige à son tour. D'accord? Une autre question, donc il faut la connaissance, l'importance de la connaissance. Que signifie l'islam? Là, on a parlé de ça. On a dit l'islam, il est basé sur deux bases fondamentales. C'est l'islam commun entre tous les prophètes. C'est d'abord tawhid, éviter l'association et les associateurs. L'unicité, c'est se dévouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'adorer que lui et ne croire que c'est lui qui est le créateur, et celui qui gère tout, que celui qui connaît tout, y compris la connaissance de l'invisible, comme on a parlé. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, comme point commun entre tous les prophètes, nous n'avons pas envoyé d'envoyer avant toi sans qu'il lui fût fait révélation de ce qu'il n'est de Dieu que moi, adorez-moi. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا وصل الوقت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Ça c'est la première base. La deuxième base, c'est se soumettre à Allah en obéissant au prophète. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'il soit obéi. وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. Ou bien toi le maçon et le charcutier, hein? Ou bien le papa qui touche le RMI, c'est de mon fils, je vais te demander comment faire la prière. Alors tu demandes plus à ce moment-là. Alors le téléphone est accroché à ce moment-là? Ou il faut téléphoner au savant? Hadoubanallah wa ni'mal wakil, vous prenez votre religion. Min ayna ta'khudhuna dinakum. Alors là c'est fini le charcutier, hein? Là c'est établi là maintenant, c'est devenu établi un peu. Là. Alors les salafis là, réveillez-vous. Hein? Réveillez-vous, c'est quoi ça? Lorsque votre fils vous demande une question sur la religion, vous le répondez. Pourtant que votre fils, il est petit. C'est un petit. Il n'est même pas savant, c'est même pas un chien. Et vous lui répondez. Pourquoi vous demandez comme ça? Parce que vous saviez la réponse. Vous savez la réponse. Lorsque moi je veux prier, et j'ai envie de me relever de le cœur, j'ai Sami'a Allah miman hamidah. Je mets où les mains? Sur la poitrine ou pas? Est-ce que je veux dire, moi je ne mets pas la sur la poitrine parce que elle est venue, elle ne pas le mettre, c'est comme ça qu'on prend notre religion? Non, on dit, moi je ne mets pas sur la poitrine car les arguments de l'Ebani ont été plus convaincants pour moi que Ebani. Mais elle est venue, c'est pas autant de... Il m'a mal écrit, Rahimallah. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que c'est une condition de prendre l'habit de l'Ebani? Est-ce que c'est une obligation de demander à l'Ebani? Est-ce que c'est une obligation de demander à lui pour la prière? Ou bien les recherches qu'on fait sur la prière, sur la salaire, ça suffit pour apprendre la prière. Ou bien on est obligé de passer par l'Ebani. Obligé de passer par Bender. Obligé de passer par l'Ebani. Les dimanches. Sur la prière, les dimanches, entre eux. Hein? L'Ebani dit que celui qui met les mains à connaît le cœur, il a fait une bid'a d'Allah. Il a fait une bid'a, une innovation égarée. Égarée. C'est... Hein? Une innovation il a fait. Et Bender, il dit non, il s'est trompé. Il dit non, ça c'est de l'exagération. Bender, il dit dans son livre, non, c'est une exagération. Hein, il dit, on respecte l'Elbani, rahimallah, mais il a fait une exagération. Hein? Donc, toi, Akhi, hein, lorsque ton enfant, il va te poser une question, ou ta femme, ou ta soeur, ou ton frère, ou ton voisin, est-ce que tu vas lui répondre? Hein, on voit beaucoup, malheureusement, des gens se prétendent à la salatia, rester souvent en dehors après la mosquée. Hein, et ça parle, et ça parle, et ça parle. Ah non, mon frère, taqillah, c'est comme ça, et taqillah, et puis. On ne peut même plus au savant, on ne se fait plus, on ne va pas se réunir, prendre le téléphone au savant.